Okay. On est à combien là? 140? Ça va trop vite, 140, non ? Bon, moi, je reviendrai quand vous aurez trouvé quelque chose, tu vois. Jean-Pierre, il est avec Scart, c'est là. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

We'll be right back.